إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن هذه الجمعة هي أول جمعة في هذا العام الهجري الجديد، واعلموا أنكم قد استقبلتم عاما جديدا وشهرا مفضلا عظيما، وربما لا يعرف هذا كثير منا، رغم معرفتنا بأشهر النصارى شهرا شهرا، فأكثر الناس لا يعرف ذكر الأشهر العربية ولا ترتيبها، وهذا الجهل بالأشهر القمرية مفسدة عظيمة، لأنه يفوت على المسلم بعض الشعائر وفضائل الأعمال التي هي لا تعرف إلا بمعرفة هذه الأشهر. وصدق الله. أو ثم اعلموا أيها المسلمون أن من علامات الساعة تقارب الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وصدق الله العظيم، ومن أصدق من الله قيلا، حيث قال سبحانه: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. Chers musulmans et musulmanes, sachez que ce vendredi est le premier vendredi du nouvel an de l'Hégire 1429. Sachez donc que vous venez d'entrer dans une année nouvelle et que vous êtes actuellement dans un mois béni. Et il est fort probable que beaucoup d'entre vous ne soient pas au courant de cela. Malgré que chacun d'entre nous connaisse les mois chrétiens, mois par mois, en connaissant le nom de chacun de ces mois et son ordre, malheureusement, beaucoup de musulmans ne connaissent pas les mois arabes, les mois lunaires, et encore moins leur ordre, et encore moins les mois sacrés parmi ces 12 mois lunaires, qui sont au nombre de 4. Et sachez que parmi les signes de la fin des temps, le fait que le temps se raccourcisse, comme cela est rapporté dans un hadith authentique, rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans ses sunan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure n'aura pas lieu que lorsque le temps se rétrécira. Et Allah azza wa jal a parlé de cela de façon indirecte dans le Coran lorsqu'il dit: Allah fait alterner le jour et la nuit, il y a dans cela un moyen, où il y a dans cela une morale pour ceux qui sont doués de raison. Et Allah Azza wa Jal dit également: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Et ces jours que nous faisons passer entre les gens. وهذا السير الحثيث يباعد عن الدنيا ويقرب إلى الآخرة يباعد من دار العمل ويقرب من دار الجزاء. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولا ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل كما في صحيح البخاري. Et ce temps qui se rétrécit et qui avance chaque année de plus en plus vite nous éloigne de cette vie d'ici-bas et nous rapproche de la vie de l'au-delà. Ce temps qui court sans attendre personne doit nous éloigner de cette vie d'ici-bas qui est la vie dans laquelle les actions doivent être accomplies et nous rapproche vers la demeure éternelle qui sera elle ou dans laquelle les gens connaîtront la récompense de ce qu'ils auront œuvré dans cette vie d'ici-bas. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu dit, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, cette vie d'ici-bas part en nous laissant derrière son dos et la vie d'ici-bas, la vie de l'au-delà accourt vers nous, en face de nous, et chacune de ces demeures a ses enfants. Faites donc partie des enfants de l'au-delà et non pas parmi les enfants de cette vie d'ici-bas, car aujourd'hui ce sont les actions sans être récompensées, mais demain ce sera le jugement sans pour autant ne pouvoir faire d'actes. الدنيا عباد الله تصلح جانبا بفساد الجانب وتسر صاحبا بمساءة صاحب فالركون إليها خطر والثقة بها غرر وأمانيها كاذبة وآمالها باطلة والمرء فيها على خطر ما هي إلا أيام معدودة وأجال مكتوبة وأنفاس محدودة وأعمال مشهودة إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا وإن سرت أياما ساءت أشهورا وأعواما كما قال الله عز وجل يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Sachez que cette vie d'ici-bas, lorsqu'elle fait du bien d'un côté, elle en fait du mal dans beaucoup d'autres. Et lorsqu'elle rend une personne joyeuse, elle en rend une autre malheureuse. C'est donc un danger de se reposer sur elle. C'est donc un danger d'avoir confiance en elle. Et c'est donc un danger de se fier à ses espérances qui sont souvent mensongères. Et dans cette vie d'ici-bas, les jours sont comptés. La durée de vie de chacun est définie. Le nombre de tes respirations sont comptés également. Et les actes que tu as accomplis sont sujets à témoigner. Et lorsque cette vie d'ici-bas fait rire certains, elle en fait rire beaucoup d'autres. Allah Azza wa Jal dit, en parlant de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est la demeure durable. » Ayyuha al-muslimoun, ja'ala Allahumma ala hadhihi dunya min amwalin wa awladin wa ghayriha fitnatan linnas liyabluahum ayyuhum ahsanu amala. كما قال الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ونهى سبحانه وتعالى عن النظر إلى ما في أيدي الناس لأن ذلك مدعاة إلى الركون إلى الدنيا والانشغال بها عن الدار الآخرة. قال سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال لأصحابه رضي الله عنهم: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: من هوانها ألقوها. قال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. تلكم هي الدنيا أيها المسلمون التي شغل بها كثير من الناس، فراحوا يتهاتفون على جمعها ويتنافسون في اكتنازها، وتركوا الاستعداد ليوم الرحيل والعمل لدار القرار. لقد كان صلى الله عليه وسلم يخوف الدنيا على أصحابه أن تبسط عليهم كما بسطت على من كان قبلهم، فيتنافسوها كما تنافسوها القوم فتهلكهم كما أهلكت من قبلهم أو كما أهلكت من كان قبلهم. Sachez également qu'Allah Azza wa Jal a fait dans cette vie d'ici-bas, parmi les biens et les enfants, une épreuve afin de voir lequel d'entre nous accomplira le plus de bonnes œuvres. Allah Azza wa Jal dit: et sachez que vos biens et vos enfants sont une épreuve, et qu'auprès d'Allah Azza wa Jal il y a la récompense immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit également dans le Coran de regarder les bienfaits des autres et les richesses des autres de peur que cette vie d'ici-bas ne soit une tentation pour nous, comme l'a dit Allah Azza wa Jal en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: et ne tend pas les yeux ce dont nous avons donné jouissance, ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux comme décor de la vie d'ici-bas, et ceci afin de les éprouver par cela. Allah Azza wa Jal comble beaucoup de gens par des bienfaits de cette vie d'ici-bas pour la seule et unique raison de que ce soit une tentation pour elles, et de connaître celui qui accomplira le plus de bonnes œuvres et celui qui ne sera pas tenté par ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui aura comblés, pour ne pas dévier du droit chemin. Puis Allah Azza wa Jal termine ce verset en disant: ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et durable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé un jour près d'une brebis morte qui était jetée par terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons et leur a dit: regardez cette brebis, pensez-vous quelle est une valeur chez son propriétaire? Ils ont dit: c'est justement parce qu'elle n'a pas de valeur qu'elle a été jetée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: je jure par celui qui détient ma main mon âme entre ses mains, cette vie d'ici-bas ne vaut rien chez Allah, ou vaut beaucoup moins chez Allah que cette brebis chez son propriétaire. Et si cette vie, ou si cette vie d'ici-bas valait auprès d'Allah, ne serait-ce que l'aile d'une moustique, eh bien un non-musulman n'y aurait pas bu une gorgée d'eau. Cette vie d'ici-bas que beaucoup de gens accourent derrière, cette vie d'ici-bas dont beaucoup font le but de leur concurrence, qui d'entre eux aura le plus d'argent, qui d'entre eux aura la plus belle maison, qui d'entre eux aura la plus belle voiture, et ils ont délaissé, ils ont oublié la préparation vers le jour du départ, et surtout d'accomplir des bonnes actions qui seront les provisions pour la vie de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait ses compagnons vis-à-vis de cette vie d'ici-bas, et les mettait en garde de ne pas être la proie de cette vie d'ici-bas, et de ne pas se concurrencer les uns les autres pour seul but de cette vie d'ici-bas, car beaucoup avant nous se sont concurrencés les uns les autres sur les biens éphémères de cette vie d'ici-bas et les a détruits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde ses compagnons et leur dit: ne soyez pas le résultat de la, ne soyez pas ou ne faites pas partie de la destruction de cette vie d'ici-bas, comme elle a détruit ceux avant vous. أيها المسلمون ونحن نودع عاما هجريا ونستقبل عاما آخر علينا أن نتذكر أحداث الهجرة النبوية الشريفة فلقد شاء الله لخير عباده أن ينصر دينه ويمكنه لمعتنقيه ذوي الإيمان والعمل الصالح بعد أن امتنحهم الله بعد أن امتحنهم الله عز وجل بالشدائد ومستهم البأساء والضراء وأودوا في سبيله وظلموا فصبروا صبرا جميلا وهان عليهم هجرة الوطن وترك ما لهم فيه من متاع ومال وكانوا أهلا لحسن الحال في الدنيا والآخرة قال الله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون لقد كان رسول الله عليهم السلام حرصا على نشر دين الله وكسب رضاه الذي به عز الدارين وسعدهما ولقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوذي في الله تعالى هو ومن معه من الصحابة الكرام. Également, nous devons nous rappeler et nous remémorer suite à la fin de l'année hijrienne 1428 et le début de cette année 1429. Et vous savez tous que le début du calendrier hijrien commence ou débute depuis la date où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque vers Médine. Nous devons donc nous rappeler tous ces faits historiques et nous rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons qui ont subi de nombreux supplices très douloureux, qui ont subi des pressions inimaginables pour seul péché qu'ils ont commis étant de proclamer qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, mais ils ont patienté radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont patienté sur les représailles des polythéistes à l'époque, ils ont patienté contre ou sur les coups de fouet, ils ont patienté sur les énormes rochers qui étaient posés sur leur poitrine, ils ont patienté durant toutes ces heures et tous ces jours où ils étaient exposés à la chaleur du soleil en plein milieu de journée, ils ont patienté lorsque leurs proches ont été tués devant leurs yeux, ils ont patienté lorsqu'ils ont été brûlés par des charbons rouges, ils ont patienté dans toutes ces épreuves pour Allah subhanahu wa ta'ala et en aucun cas n'ont délaissé leur foi, en aucun cas n'ont délaissé cette religion immense et ceci pour le but de satisfaire Allah azza wa jalla dans un premier temps mais également pour propager cette religion afin qu'elle arrive à tout horizon et c'est ce qui a eu lieu walhamdulillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc immigré lorsque les représailles étaient beaucoup trop nombreuses, lorsque les musulmans ont subi supplice après supplice. Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer vers Médine. Et les compagnons radiallahu anhum qui vivaient à la Mecque, qui sont nés à la Mecque, qui avaient leur maison à la Mecque, leurs biens et leurs familles, n'ont pas hésité une seule seconde à délaisser tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nouvelle année de l'Hégire doit nous remémorer tout cela et doit nous faire prendre conscience du grand dépôt et de cette religion immense qui est l'islam, la religion d'Allah Azzawajal, la seule qui est acceptée, et pour que l'on prenne compte de tous les efforts qu'ont fournis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum et tous les sacrifices qu'ils ont dû subir, tout ceci pour que cette religion nous parvienne intacte 14 siècles après. وهذا الشهر الذي نحن فيه شهر الله المحرم هو شهر عظيم من أشهر الحرم ورد في فضله الكثير من الآيات والآثار والأحاديث فالله سبحانه وتعالى خص الأشهر الحرم بالذكر وشدد فيها على عدم الظلم كما ذكرنا في الآيات السابقة وجاء غيرها من الآيات التي ذكرت حرمة التي ذكرت حرمة ومكانة هذا الأشهر أو هذا الأشهر الحرم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام والشهر الحرام هنا هو شهر الله المحرم ويقول الله سبحانه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام أي شهر الله المحرم ورسول الله صلى الله عليه وسلم خص شهر المحرم بالذكر فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. Et sachez également que nous sommes dans un mois béni qui est le mois de Muharram, le premier mois de l'année égérienne, et ses bienfaits sont immenses. C'est un mois qui a une grande importance et Allah Azza wa Jal l'a cité à plusieurs reprises dans le Coran lorsqu'il a dit Subhanahu wa ta'ala selon le sens ô vous qui avez cru, ne profanez pas les rites d'Allah ni le mois sacré. Et Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme lieu de rassemblement pour les gens. Il a institué le mois sacré, qui n'est autre que le mois de Muharram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également parlé de ce mois béni, en disant comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des jeûnes après le jeûne du mois du Ramadan et le jeûne du mois de Muharram et la meilleure des prières après celle qui est obligatoire, c'est la prière de nuit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وفي هذا الشهر شهر الله المحرم يوم عظيم وهو يوم عاشوراء وهو يوم من أيام الله سبحانه نجى الله فيه موسى من عدوه فرعون بعد أن تكبر فرعون ورفض دين الحق ولم يسمح لبني إسرائيل باتباع موسى بل إنه أنكر وجود رب العالمين وقال بكل تكبر وتجبر ما علمت لكم من إله غيري وقال في آية أخرى كما أخبر بذلك الله عز وجل قال أنا ربكم الأعلى. يبين لنا القرآن كيف أهلك الله فرعون وجنوده لما طاردوا موسى وبني إسرائيل فنجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وجنوده وجعلهم عبرة للمعتبرين. يقول الله سبحانه وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هكذا يسرد الله تبارك وتعالى في كتابه عز وجل هذه القصة العظيمة وهذه الملحمة التي نصر الله فيها أولياءه وهزم أعداءه وكانت الغلبة فيها لدينه وشرعه وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فهذا الشهر إذن شهر عظيم فيه هذه المناسبة العظيمة التي ينبغي أن نقف عندها ونتأملها ونستفيد من دلالتها. ظل اليهود يعظمون هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء، وعندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجدهم يصومون هذا اليوم، وعندما علم السبب جعله يوما مميزا من أيام المسلمين. أخرج أبو ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون فصامه موسى شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. Sachez également que dans ce mois béni de Muharram, il y a un jour immense appelé le jour de Ashura, qui est le 10e jour du mois de Muharram. Et c'est le jour où Allah Azza wa Jal a préservé Moïse de son ennemi Pharaon, après que Pharaon ait refusé la vérité et qu'il ait interdit aux fils d'Israël de suivre Moussa alayhi salam. Il a même été plus loin en attestant ou en reniant l'existence d'Allah et en attestant avec orgueil qu'il était le Seigneur des mondes, comme Allah Azza wa Jal nous en informe dans le Coran, lorsque Pharaon a dit « Ma alimtu lakum min ilahin ghayri »« Je ne connais pour vous d'autres divinités que moi. » Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit que Pharaon a dit « Ana rabbukum al-a'la »« Je suis votre Seigneur le Très-Haut » Et Allah Azza wa Jal nous a décrit dans le Coran comment il a exterminé Pharaon et sa troupe lorsqu'ils étaient à la poursuite de Moussa et des fils d'Israël, et comment Allah Azza wa Jal a épargné Moussa alayhi salam et son peuple, et comment il a noyé Pharaon et son armée et a fait d'eux un signe pour ceux qui raisonnent. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran selon le sens des versets, et nous révélâmes à Moussa par de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. Puis Pharaon envoya des rassembleurs dire dans les villes, ce sont en fait une bande peu nombreuse, c'est-à-dire le lendemain matin, lorsque Pharaon a constaté que Moussa et son peuple avaient pris la route la nuit et s'étaient enfuis. Il s'est adressé ou a ordonné aux rassembleurs d'annoncer dans toutes les villes d'Égypte qu'une bande s'est enfuie et qu'ils sont peu nombreux. Puis il dit, mais ils nous irritent tandis que nous sommes vigilants. Ainsi nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Allah Azza wa Jal dit, ainsi il a fait sortir Pharaon et son peuple et son armée des délices dans lesquels ils étaient, comme jardins, sources et trésors, notamment au bord du Nil. Allah Azza wa Jal les a fait sortir. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, il en fut ainsi et nous les donnâmes en héritage aux fils d'Israël. Allah Azza wa Jal a décrété ainsi et a fait de tous ces trésors, de toutes ces richesses, de tous ces jardins et de toutes ces sources, un héritage pour les fils d'Israël après la mort de Pharaon. Puis Allah Azza wa Jal nous décrit le récit et dit, au lever du soleil, ils les poursuivirent. Au lever du soleil, Pharaon et son peuple se mirent à poursuivre Moussa et son peuple. Puis, quand les deux parties se sont vues, les compagnons de Moussa dirent, ils vont nous rejoindre. Ils ont eu peur lorsqu'ils étaient face à face que Pharaon ne les rejoigne et qu'il ne les tue. Et Moussa alayhi salam répondit, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors et chaque versant fut comme une énorme montagne. Puis nous fîmes approcher les autres, c'est-à-dire Pharaon et son peuple, et nous sauvâmes Moïse, Moussa alayhi salam et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite nous noyâmes les autres, c'est-à-dire Pharaon et son peuple. Voilà là, voilà bien là un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est en vérité lui, le Tout-Puissant et le Très Miséricordieux. Allah Azza wa Jal nous cite donc cette histoire de Moïse et de Pharaon, cette histoire immense où Allah Azza wa Jal a donné la victoire à ses alliés et a élevé sa voix et a rabaissé la voix des non-musulmans. Ce mois donc est donc un mois immense dans lequel nous devons nous rappeler ce fait historique qui a eu lieu à l'époque de Moussa alayhi salam, et nous devons réfléchir et méditer sur cette perdition de Pharaon qui, avant, quelques instants avant de périr et d'être noyé, a attesté qu'il croyait au Seigneur de Moïse, de Moussa alayhi salam. Mais Allah Azza wa Jal lui a répondu, Al ana wa qad asayta qabl wa kunta min al mufsidin. Est-ce maintenant que tu dis cela, alors qu'auparavant tu désobéissais et tu faisais partie de ceux qui semaient la turpitude sur terre. Et le peuple juif n'a cessé de donner de l'importance à ce jour. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque vers Médine, il a trouvé le peuple juif en train de jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, qu'est-ce que ceci? Ils ont dit, c'est le jour où Allah a épargné Moussa et où il a fait noyer Pharaon. Et Moïse et Moussa alayhi salam a jeûné ce jour en guise de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi salam a répondu, nahnu ahaqqu bi Moussa minkum. Nous avons plus de droits sur Moussa que vous. فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné alors ce jour. فَيَوْمُ عَاشُرَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي نَصَرَ اللَّهُ فِيهِ أَوْلِيَاءَهُ وَقَهَرَ أَعْدَاءَهُ وَالْيَوْمَ الَّذِي ارْتَفَعَتْ فِيهِ كَلِمَةُ الْحَقِّ وَانْزَهَقَتْ كَلِمَةُ الْبَاطِلِ الْيَوْمَ الَّذِي قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لَمَّا قَالُوا لَهُ وَهُمْ يَرَوْنَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ خَلْفَهُمْ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ مُوسَى بِلُغَةِ الْمُؤْمِنِ الْوَاثِقِ مِنْ وَعْدِ اللَّهِ كلا إن معي ربي سيهدين اليوم الذي قال فيه فرعون المتجبر المتكبر قال فيه صاغرا لما أيقن بهلاك آمنت بالذي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فرد الله عليه هذا الإيمان الاضطراري وهذه الدعوة الكاذبة فقال عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وهذا اليوم أيها المسلمون شرع الله لنا فيه الصيام تقربا إلى الله عز وجل وشكرا على نجاة موسى عليه السلام لهذا صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه رضي الله عنهم بصيامه ولا زالت الأمة تصوم هذا اليوم وتتأسى بنينها في صيامه ولقد سن لنا نبينا أيضا صيام اليوم التاسع من هذا الشهر يقول في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أي إن عشت إلى العام المقبل لأصومن التاسع أيضا ولكنه مات صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم لهذا يسن صيام هذين اليومين اللذين رتب الله سبحانه وتعالى على صيامهما أجرا عظيما لا ينبغي لمسلم أن يزهد فيه أو يفرط فقد ذكر أن صيام عاشوراء يكفر السنة التي قبله فيا له من فضل عظيم ويا له من بشرى طيبة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله كما في سنن أبي داود. Et sachez donc que ce jour de Ashura qui est le dixième jour de Muharram, Allah Azza wa Jalla nous a légiféré de le jeûner en guise de reconnaissance, d'avoir épargné Moussa de son ennemi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a jeûné, ainsi que ses compagnons et la communauté musulmane a toujours jeûné ce mois, ce jour de Ashura, et a encouragé ses enfants à le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également dirigé à jeûner le neuvième jour de Muharram, qui est le jour qui précède le jour de Ashura, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Abdullah ibn Abbas, si je suis vivant jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai également le neuvième jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé entre temps. Il est donc légiféré, il fait partie de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner le neuvième et le dixième jour de Muharram. Et il y a dans cela une récompense immense qui est l'expiation des péchés antérieurs. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'espère auprès d'Allah qu'il pardonne les péchés de l'année antérieure. Le musulman ne l'a donc pas laissé cette occasion passer sans en profiter et sans faire de ce jeûne une provision qui lui servira dans le jour de l'au-delà. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يجعلنا من الذين يعتبرون في أعمالهم والذين يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا بمناسبة هذا العام الهجري الجديد وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا تراص أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله